La chance, maman, le plus fort, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci de nous aider à grandir et à nous épanouir. Merci de nous ouvrir tes bras pour nous réconforter quand nous en avons besoin. Merci de nous témoigner ta confiance et de nous aimer tels que nous sommes. Merci d'être fier de nous. Ce soir, nous aimerions tellement t'exprimer combien tu es important pour nous, combien nous t'apprécions et nous profitons de cette occasion pour te remercier pour toutes les fois où nous avons besoin de toi et sans rien demander, tu nous tends la main. Aucun mot ne peut exprimer ce que tout cela représente à nos yeux, mais nous tenons à te dire merci de nous avoir donné ton cœur sans même hésiter. Merci de nous avoir fait le don de toi d'être présent à nos côtés à tous les jours. Ce soir, Jean-Pierre, nous te disons de tout cœur, papa, on t'aime.